lokola oye esengo mingi nakomona na motema na ngai yebisanga yebisanga sango poni kuna na mboka onayoka yebisanga yebisanga isengo poni kuna na mboka Michel, Nadine et la Belle, Saint-Lousala, à coller la bébino. Yambi, yambi, le qui est, le cola, oui, mette la malinana, toi et badengue, toi, ça la canne à quoi la quoi. Dengue, toi et baka, évadé, dengue, toi et baka. Michel, Nati qui est la peuple, Sala a collé la bébido. Wash me booty. Wash me booty. Wash me booty. vert, Tobo sanitaire, Anne-Marie Kitiba, Thérèse Makanda, félicité sa fouette. Attaque aux dosali n'amboga mon paya, Tobo sa n'amboga n'abiso Congo n'engani. Lokola pe lelo tozali awa na mascotte pe akomi libiso na poto awa chanti pe eleka bisiye chanti pe ekola eleka ye aye ko betela biso modulo oyo nakanisi pe kosepelisa pe bato Oh, Lela, Malemba, yo, Olea, oh, Loma, Olama, Malemba, yo.